Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 17 août 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Giraffe, homme orchestre du 21e siècle, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Giraffe. Bonjour Chris, merci beaucoup de me recevoir dans les locaux de Guémozo. C'est une joie de m'arrêter une heure ici et de discuter ensemble, de prendre le temps. Bien sûr. Comment ça va ? Ah bah ça va super bien, je suis content. Je suis en petite pause ici à Saint-Étienne-de-Remiremont. Et ça fait bien plaisir de découvrir les locaux ici. Moi je viens de Saint-Dié, donc du coup j'ai pas si souvent ça l'occasion de venir dans les coins de Remiremont. Donc c'est vraiment une joie de découvrir ce côté-ci des montagnes vosgiennes. D'accord. Donc nos auditeurs et nos auditrices se sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Je m'appelle Christophe Châtel. Je suis né en 1981. J'ai donc 40 ans. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais de la musique. Et je suis devenu, il y a un peu plus de 10 ans, un homme orchestre. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de mettre une grosse caisse sur mon dos, un charleston, relier ça à mes pieds et partir sur les routes, sur les modèles de Berthe, l'homme orchestre de Mary Poppins, et de, bien sûr, aussi Rémi Bricat, le célèbre homme orchestre alsacien. Bien sûr. Et donc, du coup, je suis parti, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis sur ce chemin pas à pas, vraiment pas à pas, parce qu'un homme orchestre, voilà, il est relié à ses pas parce que ses pieds font du bruit et ça c'est une belle symbolique. Voilà, je marche au bruit de mes pas, je suis mes pas me suivent. Il y a un bel échange et plein de découvertes avec moi-même déjà. C'est déjà un moyen égoïste de d'en apprendre sur moi, de me découvrir aussi, d'aller vers le bonheur, mmh, et d'aller vers la vie, et aussi un moyen extérieur de partage avec les autres, de rencontres, de découverte de territoires, de découverte de pays. J'ai eu la chance de faire les continents, les 5 continents grâce à la musique, donc c'est une chance assez exceptionnelle. Et puis découvrir des gens, des lieux, parfois des lieux très brillants, très dans des capitales, des choses très dorées, et en même temps des fois des lieux beaucoup plus refermés, beaucoup plus sombres, beaucoup plus étroits, beaucoup plus perdus, dans lesquels j'aurais vraiment eu aucune chance d'aller. Et ces différents endroits ont chacun une richesse, c'est qu'ils sont tous uniques, chaque endroit sur cette planète est unique. Et voilà ce que je fais depuis 15 ans, c'est de découvrir tout ça, ces mondes intérieurs et ces mondes extérieurs. Et j'en suis très heureux. J'échangerai ça contre rien au monde. D'accord. Donc tu n'as pas fait d'études musicales quand tu étais plus jeune, du coup ? Si ? Non, pas du tout, non. Non, j'ai vraiment appris la musique sur le tas, sur l'échange. Vraiment à l'image de la manière dont je joue maintenant. Les directions que je prends aussi, c'est-à-dire... moi, j'ai vraiment appris par des amis qui n'avaient ni les capacités ni le temps de m'apprendre le solfège, de m'apprendre quoi que ce soit. Mm-hmm. C'était vraiment de l'apprentissage comme ça dans le partage d'une journée, d'un week-end, d'une soirée. Et en fait, cette transmission qu'on appelle orale, du coup, qui ne passe pas par le biais de l'écrit, qui ne passe pas par le biais des partitions ou des tablatures. Et ben en fait c'est vraiment resté mon moyen d'apprentissage parce que j'y ai trouvé déjà un côté très pratique, très basé sur l'humain, sur le partage, sur le fait que c'est quand même par le biais de l'émotion qu'on apprend en fait. C'est tout bête, mais on l'oublie souvent parce que c'est vrai qu'à l'école, moi, j'avais beaucoup de mal dans le côté très scolaire, très écrit, à retenir les choses. Et en fait, les choses qu'on retient le mieux, ça passe souvent par le biais de l'émotion, par le biais d'une personne qui transmet avec passion. Et en fait, la musique, je m'en imprègne vraiment de cette manière-là. Je continue encore et encore. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon chemin, de mes recherches et de mes rencontres que, en fait, ça a toujours fonctionné comme ça depuis des milliers d'années. Et que c'est vrai que il y a eu une évolution à un moment par le biais de le fait de passer par les tablatures et tout ça, ce qui est une évolution incroyable parce que du coup ça permet de mémoriser, de pouvoir interpréter des très grandes œuvres. Mm-hmm. Mais à côté de cette grande évolution, si on revient vraiment aux origines de la musique, on est vraiment sur une transmission orale. Et dans le fait d'apprendre de cette manière-là, il y a aussi une démarche en lien avec des valeurs, en lien avec avec une vision de la vie un peu plus tournée vers le côté aborigène dans le sens avant l'origine de mm-hmm. l'humanité, et un peu comme un chemin retour. Et ce voyage musical, c'est cette manière d'apprendre la musique, elle est aussi elle va beaucoup vers cette volonté de retourner un peu aux racines de la musique, tout comme un être humain peut essayer de retourner un peu aux racines d'où il vient, de qui il est, de cette candeur enfantine, de ses premiers émois, de ses premières émotions, de ses premières graines. Donc c'est en même temps tout ça pour te dire que ce passage par l'oralité pour apprendre la musique, c'est à la fois pratique et à la fois aussi une vraie démarche humaine et philosophique. D'accord. Donc comme tu l'as dit juste avant, donc du coup tu t'appelles Christophe en vrai, on va dire. Mais donc du coup Girafe, c'est ton nom d'artiste, ton nom de scène. Comment t'es venu ce nom de Girafe? Eh ben c'est un nom qui m'est venu sans que je le choisisse. Hein. Ça a été un surnom qu'on m'a donné à une époque où je jouais dans un petit groupe avec des copains. On s'amusait bien et on était trois Christophe dans le groupe. Et tu sais ce que c'est hein, quand t'es Christophe. Toi, t'es un Christophe aussi, toi. Christopher. Toi, t'es un Christopher. Ouais. T'es un Christopher. Mais bon, tu sais que les Christophes, il y en a pas mal. Oui. Et en fait, on était trois Christophe dans le groupe. Donc, il y avait un Christophe, Touffy, mm-hmm. qui avait son surnom. Il y avait un Christophe batteur, parce qu'il était batteur. Et moi, j'étais un Christophe qui n'avait pas de surnom. Donc, il fallait me trouver un surnom. Et voilà, ce surnom m'a été trouvé, Girafe. La girafe, parce que voilà, ils ont trouvé que je ressemblais à une girafe, j'imitais bien la girafe. D'accord. Quand je faisais le clown. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un surnom que j'ai vraiment pas accepté, j'ai vraiment pas apprécié au début. Mm-hmm. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait bien me coller à la peau, que cet animal un peu qui a la tête dans les étoiles, en même temps avec une avec des pieds assez bien posés sur terre, et puis ce côté sauvage, en même temps c'est la girafe, il y a un petit côté féminin et tout ça, plein de choses que j'avais du mal à accepter au début et qui au final s'avéraient être des bons chemins d'évolution en tant qu'artiste, hein, surtout un très bon nom d'artiste. Et voilà, pareil, je regrette pas du tout ce nom. Et depuis j'ai évolué sur le chemin de la girafe d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un peu comme un animal totem. Je l'ai suivi, c'est-à-dire qu'au début, je m'appelais Girafe, mais je jouais en jean et en basket sur scène. Et puis, mm-hmm. petit à petit, voilà, j'ai rencontré une costumière qui m'a dit, mais tu sais, tu pourrais t'habiller en girafe. Puis après, j'ai trouvé un bonnet de girafe. Après, et voilà, je suis petit à petit rentré dans le jeu jusqu'à la rencontre des girafes sur le territoire africain, ce qui a été un peu un genre de climax. De ma recherche de la girafe, quoi. Rencontrer des girafes en semi-liberté au Sénégal, ça a été un peu comme un rêve. D'accord. Et à noter que justement, donc ton nom de scène c'est Girafe, mais que tu l'as écrit G-Y-R-A-F et non pas G-I-R-A-F-E comme l'animal, du coup. Nous... Oui, c'est ça. Juste par rapport à ça, mm-hmm. C'est que j'en profite, hein, je dis des trucs, on est là, Chris, tu me pardonnes, mais... Pas de soucis. Mais du coup, le Y, juste... ça, c'est aussi parce que j'aime beaucoup le Y. D'accord. Et parce que le Y, dans le Y, il y a un peu le côté... il y a un peu l'homme qui a les bras levés. Ça représente un peu l'homme qui a les bras levés vers le ciel. J'aime beaucoup l'image du Y. C'est toujours ça a toujours été une lettre qui m'a plu. Et à l'époque où j'écrivais mon nom Christophe, des fois je l'écrivais avec un Y. Et puis le E, l'idée c'était que voilà, d'être sur une appellation très voilà, d'utiliser uniquement les lettres qui se prononcent, pas de mettre de lettres en plus. Donc voilà, un Y, pas de E. Ainsi est né Girafe. D'accord. Donc déjà, avant d'entrer encore plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter, si tu les connais, les origines de ce métier d'homme orchestre? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Qui l'a popularisé? Rémi Bricat, bien sûr, que je pense qu'on connaît toutes et tous. Mais d'où vient ce métier d'homme orchestre? Oui, absolument. Ça vient du Chili. Les premiers à avoir mis une grosse caisse sur le dos, c'était des Chiliens qui jouaient une musique qui s'appelle le chin-chin. D'accord. C'est vraiment impressionnant. C'est un truc à voir. La grosse caisse. Donc ils ont une grosse caisse et une charlet. Hein, c'est vraiment le même modèle que l'homme orchestre entre guillemets classique. Sauf que la grosse caisse se joue à la main avec une espèce de baguette. Et du coup la charlet est reliée au pied comme pour l'homme orchestre classique. Et donc en fait les musiciens de chin-chin font uniquement de la percussion. Ils font que de la percussion. Ils n'ont pas de guitare en plus ou du ukulélé ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment dans quelque chose de très percussif qui pourrait presque rappeler de la batucada ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment de la musique très très spontanée, très tribal quoi. C'est vraiment la musique des tripes et c'est impressionnant. J'ai eu la chance de croiser deux musiciens chin-chin. Des buskers, des musiciens de rue, et donc du coup ils ont cet art de tourner sur eux-mêmes, ce que j'aime également beaucoup faire sur scène, un peu à l'instar des derviches tourneurs. Et du coup quand ils sont à deux comme ça, c'est vraiment comme des planètes qui tournent avec des changements de rythme à la fois musicaux et à la fois visuels parce qu'ils tournent tout le temps sur eux-mêmes. C'est complètement incroyable. Donc moi de mes connaissances, l'homme orchestre vient de là avec vraiment de la grosse caisse dans le dos. Après, le principe de faire plusieurs instruments en même temps, ça c'est assez courant. Hein. On m'a souvent dit, par exemple, chez les aborigènes d'Australie, l'origine n'est pas forcément le didgeridoo comme on a tendance à le croire. C'est vraiment la clave, le principe de faire un instrument et en même temps de chanter. Déjà, on est déjà dans deux instruments, hein, une clave et une voix. Et moi, je pense qu'on est déjà dans un principe d'homme orchestre. Quand en plus on fait du didgeridoo en même temps, où on tape des pieds avec des cloches, je pense que faire plusieurs instruments en même temps, c'est presque vieux comme le monde, quoi. D'accord, donc justement, vu que tu parles de faire plusieurs instruments, en même temps, c'est pas trop compliqué de tout faire à la fois, parce que le principe d'un homme orchestre, c'est quand même de jouer plusieurs instruments en même temps. C'est pas trop compliqué de faire tous ces instruments justement en même temps. Ça dépend comment on voit comment on prend la musique, de quel versant on l'apprend. Et moi, j'ai toujours eu cette vision un peu girafe, justement. Qui est un peu le fait de prendre un peu de recul sur les choses, tout en restant pas trop éloigné quand même de ce qu'on regarde, mais prendre le recul sur les choses pour voir un peu tout ce qui se trame autour de ça, et pas forcément regarder toujours de manière trop focalisée. Et donc j'ai envie de te dire que effectivement, si on se concentre sur un instrument de manière hyper focalisée, c'est assez difficile de le coupler avec un autre instrument. Mais en fait, le fait de prendre du recul, de regarder les choses de manière un peu plus globale. En fait, on se rend vite compte que tout ce qui relie les instruments, c'est le rythme, clairement. Et même pour aller encore plus loin dans la simplicité, c'est la marche. C'est-à-dire que, comme ils disent en Afrique, si tu sais marcher, tu sais danser. Si tu sais parler, tu sais chanter. Et en fait, dans cette marche, il y a déjà une forme de danse et en fait, le liant, tout ce qui peut lier tous les instruments, il est déjà là. En fait, à partir du moment où tous les instruments que tu joues, ils sont liés à une marche, une danse intérieure ou une danse extérieure, du coup, il y a vraiment possibilité, de manière assez simple, de coordonner plusieurs instruments à partir du moment où, effectivement, tu vas pas dans un truc trop technique sur chaque instrument. Il faut réussir à jouer sur chaque instrument ce que t'es capable de jouer en ayant toujours une petite en ayant toujours un peu sous la pédale, c'est toujours en y allant. Il faut pas aller au bout de ta technique sur chaque instrument. Il faut maîtriser ce que tu fais sur chaque instrument de manière très simple, sans chercher le compliqué, du coup en faisant des choses très simples. Donc là aussi, ça, j'aime bien l'idée de rechercher la simplicité plutôt, et à partir de là on lit le tout. et on se retrouve homme orchestre de manière ultra spontanée. En fait, je l'ai pas choisi, quoi. Il y a un moment où je me rendais compte que j'y arrivais facilement. Je me rendais compte que j'avais des copains chanteurs, guitaristes, chanteuses qui me dépassaient de très très loin. Mais je me rendais compte que moi j'étais capable de faire des choses plus simples, mais plus synchronisées avec d'autres choses et tout ça. Et c'est je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour aller vraiment dans la minutie, d'autres plus pour voir de manière globale, et puis on s'apporte les uns les autres. Moi, petit à petit, j'aime bien aussi travailler plus en précision des instruments. Mm-hmm. Mais au final, maintenant, dès que je prends un instrument, après quelques heures de pratique, je me retrouve assez rapidement à me dire « Mais cet instrument, je l'aime bien, j'aimerais bien le pousser un petit peu, j'aimerais bien l'approfondir, j'aimerais bien le garder avec moi, j'aimerais bien l'emmener chez moi, et pour ça, ça serait bien que je puisse le jouer sur scène. » Donc là, il y a un côté complètement paradoxal, mais en fait, c'est le fait de jouer un instrument sur scène qui me permet de l'approfondir, parce que du coup, comme je le joue sur scène, et ben du coup, je peux pas le laisser dans un coin chez moi. Mm-hmm. Je suis obligé de le travailler à la maison, donc j'ai souvent cette démarche de hop, quand je découvre un nouvel instrument, je me dis j'essaie de voir est-ce que il pourrait aller dans une mise en scène, dans une histoire, dans une chanson et tout, et ainsi je me retrouve à faire beaucoup d'instruments et avoir heureusement une grande maison dans laquelle je peux mettre tous mes instruments. D'accord. Donc il est 14h, presque 18. Avant d'approfondir le sujet encore plus, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale, et que nous écoutions justement un de tes titres. Vu que tu parlais tout à l'heure d'oralité, donc le titre que nous allons écouter s'intitule tout simplement Oralité, et c'est tiré de ton album Les Trois Trésors, c'est bien ça ? Absolument. Voilà. Donc on écoute ce morceau Oralité et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Peuple qui rêve, j'ai eu vent des aborigènes bien avant Adam et Ève. De l'humanité, ils furent la graine. J'ai eu vent d'une vague de colère dès qu'on voulait les chasser de leur terre pour extraire de ces sacrées terres du minerai et des choses très chères. Mais j'ai eu vent, ça se passerait pas comme ça grâce à la volonté de toi et moi. Mais j'ai eu vent, que ça se passerait pas comme ça grâce à la transmission de toi à moi. Yep. L'histoire des hommes jouait sur une scène. Elle commencerait par des aborigènes et se terminerait par des hommes sans gêne qui décideraient de l'enjeu de la survie aborigène. Si l'histoire des hommes jouait sur une scène, elle commencerait par des aborigènes et se terminerait par la conscience humaine. Conscience humaine, conscience humaine. Yeah. Inspiré par la nature, conscient de la fragilité du futur, il rendait toujours hommage à la terre, aux étoiles, aux nuages. J'ai eu vent, ma façon d'exister pouvait très certainement déranger. Pour eux, cette terre ne leur appartient pas, c'est la terre qui leur ouvre les bras, leur laisse un moment d'existence pour la paix, la musique et la danse. Où laissera-t-on cet instant d'existence? On l'appelle la musique et la danse. J'ai eu vent, ça se passerait bien comme ça grâce à la volonté de toi et moi. J'ai eu vent, ça se passerait bien comme ça grâce à la transmission de toi à moi. Yep. Si la fierté des hommes se jouait sur scène, elle commencerait par les aborigènes et se terminerait par la conscience humaine qui préserverait la vie aborigène. Si la fierté des hommes se jouait sur scène, elle commencerait par les aborigènes et se terminerait par la conscience humaine. Conscience humaine, conscience humaine. Yep. d'un peuple qui rêve. T'as eu vent des aborigènes. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h21. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/ partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers du genre la Belgique ou encore la Suisse. Vous venez d'écouter Giraffe avec son titre Oralité et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Giraffe, justement, homme orchestre du 21e siècle. Ça va toujours ? Ça va super, Chris. Parfait. Donc, on en parlait un petit peu pendant la pause musicale. Ta voix me fait penser à un des chanteurs du groupe Trio. Oui, on m'a déjà dit que effectivement, j'avais effectivement des airs de un peu la même tessiture que Christophe Mali. On m'a déjà dit ça. Voilà. Donc, à travers ce titre Oralité, qu'est-ce que tu souhaites raconter ? De quoi tu parles dans ce titre Oralité ? Bien écoute, ce que je raconte dans ce clip, dans ce morceau qui est effectivement en clip, qu'on peut trouver en clip sur YouTube, avec des images incroyables d'un documentaire signé Eugénie Dumont, qui s'appelle Heritage Fight, qui raconte le combat d'un peuple aborigène qui défend ses terres face à la volonté d'une société occidentale minière. D'exploitation minière qui veut prendre ses terres. Et ben ce que je raconte dans cette chanson, c'est exactement ce qui est raconté dans ce documentaire. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce documentaire Heritage Fight, que j'ai vu le combat de ces aborigènes qui se défendent pas à coups de poing mais à coups de valeur en fait, qui défendent vraiment leur culture, leur territoire, leur connexion à leur territoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est exactement ce que je raconte dans cette chanson, ce combat pour défendre une valeur, une connexion, quelque chose qui peut disparaître assez rapidement, mais qui quand il est préservé ou quand il est retrouvé n'a pas de valeur justement. C'est des choses qui sont très précieuses et et en fait, on se retrouve chaque jour où on avance vers quelque chose de toujours plus nouveau, vers quelque chose de très moderne, ce qui est super. Et chaque jour où on avance, on se retrouve toujours un peu questionné par ça, par le côté d'où est-ce qu'on vient, où est passée la simplicité, les choses simples, quelque chose qui nous ouais, vraiment l'idée d'un peu d'un bonheur simple en nous aussi, dont on est à la recherche aussi à l'extérieur de nous. Cette recherche, cette quête, elle est toujours présente. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a encore ces anciens à différentes échelles. On a toujours ces anciens qui sont présents avec cette oralité, cette transmission vers qui on peut aller. Et c'est à une époque où Internet et la télé nous offrent plus que jamais des accès illimités à toutes les connaissances du monde, et bien en fait le fait de revenir à cette transmission orale, le fait d'aller voir les anciens, le fait d'aller se connecter à des savoirs parfois millénaires, que ce soit au niveau de la connexion avec la nature, la connexion avec soi, les médecines traditionnelles, les musiques plus qu'on pourrait appeler chamaniques, plus anciennes, qui sont vraiment liées au voyage intérieur et extérieur. Et ben tout ça, c'est vraiment des bijoux qui prennent chaque jour un peu plus de valeur. Donc moi je me situe vraiment dans la lignée de ces artistes qui défendent un peu ça, mais enfin, même pas qui défendent, qui mettent en lumière ce qui existe et qui continuera toujours à exister. En fait, ce sera toujours préservé. Je pense que ce sera peut-être de moins en moins mis en lumière, mais ce sera toujours important pour les personnes qui en ont envie d'aller à la recherche de ça, parce que c'est précieux d'aller à la rencontre de ses racines. Alors de ses racines aussi, dans les Vosges, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien aller rencontrer les vieux de chez moi, 90 ans, qui ont connu déjà énormément de choses, mais aussi les anciens de l'autre côté du globe. C'est des fois c'est des miroirs assez perçant, quoi. C'est vraiment, on se retrouve face à des, à des, à des réalités universelles, et du coup, on en apprend énormément sur soi-même. J'aime bien l'idée de se dire, allons vers la modernité, vers le futur, vers le progrès, mais n'y allons pas tête baissée, gardons toujours cette éternelle recherche, cette éternelle quête, de jamais oublier le chemin retour, le chemin d'où on vient, en fait. D'accord. Ensuite, toujours en préparant cette émission, j'ai vu que tu interprètes des chansons issues de plusieurs styles musicaux comme le funk, le reggae, la valse, le tribal, le rock, la techno, le rap, etc. Donc parmi tous ces styles, est-ce qu'il y a un style que tu préfères interpréter? Du coup, bah, je veux dire de préférence, mais ça fait répétition. Donc, est-ce qu'il y a un style que tu préfères interpréter? C'est dur à dire, hein, non, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement le mélange de tout ça. Et je pense que c'est par période. Je pense que j'ai des périodes où j'aime bien voilà, je pense que ce qui est principalement présent toujours autour de moi, c'est effectivement les musiques tribales aborigènes, avec tous ces musiques, que ce soit le didgeridoo, la kora, les chants amérindiens, ça c'est des choses vraiment qui me plaisent beaucoup. Le reggae, forcément, parce que j'en ai énormément écouté. C'est, je pense que c'est une pulse que j'ai toujours en moi. Le funk, parce que c'est le funk, ça vient vraiment du fait de. Pour moi, c'est un genre d'engagement physique. C'est vrai. Le funk, ça veut dire, ça vient de transpiration. Ça vient de. J'avais entendu l'origine de ça, et ça venait de transpiration, parce que le côté, quand t'es funk, c'est que tu sens un petit peu sous les aisselles, parce que tu t'es donné, quoi, tu t'es engagé, t'as vraiment donné pour la musique. C'est pas de la musique trop intellectuelle, quoi, c'est vraiment de la musique un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu tribale. Et puis le rap aussi, parce que là le rap, c'est aussi un moyen de transmission incroyable avec les jeunes qui sont hyper sensibilisés, ultra sensibilisés au rap. Donc Ça me plaît beaucoup aussi de faire du rap. Et là, par exemple, ces derniers temps, où je me suis retrouvé pas mal en action culturelle avec des jeunes, je passe beaucoup par le beatbox, par le rap, parce que c'est vrai que c'est de la musique qu'on s'approprie assez facilement et qui peut être un accès assez rapide au principe de la pulsation, de la marche. Et donc, du coup, la possibilité de devenir vite créatif, de raconter ses histoires, bah, c'est pour ça, je pense, que le rap a autant de succès dans notre époque, hein. C'est parce que c'est une musique hyper accessible et qui laisse vraiment une page blanche incroyable pour écrire des belles choses. D'accord. Ensuite, donc, dans ta carrière, tu as également eu l'occasion de travailler, de côtoyer, donc de travailler avec un célèbre chanteur, Mathieu Chédid, ou M, justement. Qu'est-ce que ça t'a procuré, on va dire, de travailler avec Mathieu Chédid? Ça m'a procuré une grande joie, une grande gratitude de faire partie des quelques personnes qui ont eu la chance de faire une collaboration avec lui. Mmh. Parce que c'est tombé sur une période où, effectivement, il collaborait pas mal, et maintenant, il collabore moins avec des jeunes artistes. Mais à cette époque-là, il m'a vraiment laissé une chance, et du coup, il m'a offert la possibilité incroyable d'arranger une de mes chansons avec lui, une chanson qui s'appelle « Oh mon ami ». Et ça a été une journée de studio complète avec lui dans son studio, La Bohème, avec mon ami d'enfance, Yann Gianetti, qui enregistrait. Et c'était complètement surréaliste de se retrouver là avec avec quelqu'un de la carrure de Mathieu Chédid, qui se retrouvait comme un enfant à jouer et à s'enthousiasmer des choses qu'il pouvait trouver au banjo, à la guitare, au tambour. On s'est retrouvé à faire des recherches incroyables pendant une journée pour arranger ce morceau, et ça a été un sacré retour à la réalité, quoi, de voir à quel point des artistes comme ça, enfin, un artiste comme lui, malgré sa notoriété, malgré tout ce qu'il a derrière lui, eh bien, en fait, il a une vision toujours très simple de la musique, très enthousiaste et très perfectionniste. Et ça a été une belle leçon de vie pour continuer mon chemin de musicien. Et après, ça a été euh, ça a été aussi le, ça a été aussi l'utilisation de ce morceau, c'est-à-dire le l'idée de, l'idée vraiment de pouvoir utiliser ce morceau, de le faire vivre sans non plus tout appuyer toute ma carrière sur ce morceau-là. C'est, je voulais avant tout défendre mes chansons et effectivement mettre en avant ce coup de pouce que Mathieu Chédid m'a fait, mais l'idée c'était pas non plus de le mettre au centre de mon, de ma discographie. Donc ça a été une belle leçon, un sacré coup de pouce. Ça m'a ouvert des belles portes et en même temps voilà, l'idée c'était aussi de mettre la chanson à sa juste place pour pas que ça prenne le dessus sur où je voulais aller dans ma carrière. Je voulais vraiment garder cette simplicité, y aller pas à pas et tout ça. Voilà. Justement, Mathieu Chédid, si jamais il nous écoute, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On lui passe un petit bonjour. Et donc, justement, transition, avant de parler plus en détail de tout ça, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale, et que nous écoutions ton titre, Oh mon ami, justement, en duo avec M. Ah oui, bah, du coup, là, vous allez pouvoir entendre, c'est intéressant de l'écouter. En fait, Mathieu, il fait les. À l'origine, il devait faire juste les ah et les chicha. D'accord. Et après, il s'est pris au jeu et en fait, il s'est retrouvé à faire. On a fait des essais de guitare électrique qui n'ont pas fonctionné sur ce morceau. Et du coup, il a eu l'idée, au bout d'un certain temps de recherche infructueuse, il a eu l'idée d'aller chercher sa guitare banjo. Donc, en fait, un banjo mais à 6 cordes, hein, comme une guitare. Et donc, du coup, c'est ça qui donne ce groove que vous allez entendre direct, cette guitare banjo. Et il a rajouté aussi des toms. On a aussi joué avec des toms et des tambourins. Et voilà ce que fait. Et il chante les refrains, bien sûr. Il chante les refrains. Voilà l'histoire de cet arrangement Oh mon ami. Et donc, justement, ce morceau, il est tiré de l'album, de ton album Girafrique. C'est ça ? Oui. Et qui a été réédité sur l'album Les Trois Trésors et Monsieur Giraffe. C'est ça, sur Les Trois Trésors de Monsieur Giraffe en live. Monsieur Giraffe, pardon. On a remis ce titre qui était quand même demandé. Donc du coup on l'a réédité sur ce live. Parfait. Donc on écoute du coup Oh mon ami de Giraffe avec M, Mathieu Chédid, et on se retrouve juste après d'ici un petit peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Sont plus que marquant, 3 jours de zèle cette semaine. J'ai croisé un Jean qui m'a dit sereinement que sa femme lui inspirait de la haine. Ses enfants sont charmants, mais les causes du tourment, il m'a alors demandé conseil. Puis je croise un mec qui me parle avec peur de ce qu'il a vu hier aux 20h. De meurtres blessés dans la ville d'à côté, apparemment ça va s'aggraver. Ça commence comme si, après c'est comme ça, achète une arme, défends-toi. Pressé par ses dires, j'ai failli m'enfuir, finalement je lui ai dit sans rougir. Oh mon ami, tu n'as pas fini de te faire du tourment. Le monde est petit, rien t'est acquis, sois bien plus indulgent. La vie est très belle, elle est universelle, sors donc de ton carcan. Respire dans cette air, il n'y a rien de plus cher, il n'y a rien de plus enrichissant. Ma meilleure amie se sent mal aujourd'hui, son copain l'a quitté, s'est enfui. Ses projets s'effondrent, son mariage, ses enfants, la vlade toute seule à 20 ans. Elle avait tout misé sur mec mal réveillé qui pensait en fait qu'à baiser. En vivant dans le futur, tu es souvent perdant, je lui conseille plutôt le présent. Je rentre à la poste avec un bon vieux pote, celui-ci à quelqu'un tient la porte. Ce quelqu'un mal poli ne dit même pas merci, mon pote traversé est aigri. Pendant plusieurs heures, il ressasse sa rancœur de n'avoir connu les honneurs. Un merci symbolique et bien anecdotique qui n'alimente que les polémiques. Oh mon ami, tu n'as pas fini de te faire du tourment. Le monde est petit, rien t'est acquis, sois bien plus indulgent. La vie est très belle, elle est universelle, sors donc de ton carcan. Respire donc cet air, il n'y a rien de plus cher, il n'y a rien de plus enrichissant. Oh mon ami, tu n'as pas fini de te faire du tourment. Le monde est petit, rien t'est acquis, sois bien plus indulgent. La vie est très belle, elle est universelle, sors donc de ton carcan. Respire donc cet air, il n'y a rien de plus cher, il n'y a rien de plus enrichissant. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/ partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Il est 14h37 et vous venez d'écouter Giraffe en duo avec M avec leur morceau intitulé Oh mon ami. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Giraffe, justement, homme orchestre du 21e siècle qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Giraffe? Je passe un super bon moment avec toi, Chris, avec les auditeurs de Gemozo. J'en profite pour passer le bonjour à deux personnes qui sont actuellement en train de m'écouter parce que j'ai vu qu'ils ont répondu à ma publication sur Facebook. Alors bonjour à la famille Icard et bonjour à la licorne. Voilà, le message est passé. Donc même question que pour la première pause musicale. Qu'est-ce que tu souhaites raconter avec M, du coup, à travers ce titre « Oh mon ami » ? Ah, bah du coup, dans « Oh mon ami », je raconte plusieurs scénettes. C'est des petites scénettes de la vie de tous les jours avec des personnes qui ont une difficulté de lâcher prise. Et une manière de rester un peu accroché aux choses. Et en fait, c'est l'idée de ce refrain un peu onirique chanté par M. C'est justement l'idée de raconter... L'idée de dire, bah, tu sais, rien n'est acquis dans le monde et en fait, on est bien plus petit qu'on ne peut l'imaginer. Donc, prends un peu de recul, un peu de perspective sur les choses et relativise tout ça et respire, quoi. Respire cet air parce que effectivement, il y a rien de plus cher que cette air qui peut rentrer dans nos poumons. Il faut y aller, il faut prendre des litres et des litres d'air à chaque respiration, faut en profiter parce que tout ça c'est précieux et en fait on y pense des fois trop rarement, surtout quand on est pris dans des frustrations, dans des débats mentaux intérieurs qui peuvent tourner en boucle. On est quand même la seule espèce humaine, l'humain est la seule espèce qui est capable de tourner en boucle sur des pensées, sur des émotions. Et du coup, des fois, des retours un peu à des choses un peu simples comme ça, comme le fait de se dire, faut respirer. Voilà, t'es pas aussi important que tu ne le penses. Et bien, du coup, des fois, ça permet d'économiser beaucoup d'énergie et de revenir un peu à la réalité des choses pour parce que du coup la beauté de la vie elle est là. Donc justement nous venons d'écouter la chanson que tu interprètes avec M, car il est important de savoir que tu fais même partie du palmarès d'une compile des 100 artistes de la scène française actuelle, dans la compile dans laquelle nous pouvons retrouver par exemple Sanseverino, Benabar, Anaïs, Yann Tiersen, Olivia Ruiz, Émilie Loiseau, Pauline Croze, Arthur H., Jean-Louis Murat, Sinclair, Spleen, Boncello, Wax Taylor, Mickey 3D ou encore Brigitte Fontaine. Ce sont toutes et tous de grands artistes. Donc j'imagine que c'est une sorte d'honneur pour toi de faire partie de cette petite bande, de cette petite de la même compile que tous ces artistes. Ouais, ça a été assez incroyable quand Vagram, c'est la maison de 10 Vagram qui m'avait contacté à l'époque via MySpace. Donc c'est une vieille une vieille histoire, hein. Ouais, en effet. Il m'avait contacté via MySpace en me disant écoutez, on a vu votre morceau, on aimerait bien le mettre sur la compile, vous êtes d'accord? Et effectivement après quand j'ai eu la compile entre les mains et que j'ai vu que un des rares artistes inconnus de la bande c'était Giraffe, j'étais vraiment très touché. Ça a été un sacré honneur. Et peut-être un petit coup de pouce pour ta carrière aussi, du coup. Ouais, un petit coup de pouce pour ma carrière aussi, ouais. Effectivement, ça a été un coup de pouce, même si en même temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'objectif n'était pas forcément de faire tout avec ce titre. L'idée, c'était vraiment de construire un bel album et puis surtout un album qui avait du fond, qui avait des... Un album dont j'allais être fier, dans le fond et dans la forme, et c'est à ce moment-là où j'ai justement suivi le climax de mon chemin de la Giraffe, c'est-à-dire que je suis allé en Afrique, j'ai justement abandonné mes repères en France et je suis parti un petit bout de temps en Afrique rencontrer des griots et du coup préparer le projet Girafrique, et je suis revenu une année plus tard pour faire cet album Girafrique, dans lequel est sorti ce duo avec Mathieu Chédid en 2012, du coup. Donc ça a été un peu un chemin, ouais, un peu un chemin retour là, de l'idée de d'aller en Afrique, de retourner un peu aux racines de l'oralité, rencontrer des griots, aller dans le désert, passer du temps dans le désert. Tout ça, ça a été une belle aventure qui m'a énormément apporté, et au final, et du coup, ça m'a permis de sortir un album dont je suis très fier, l'album Girafrique, et un documentaire qui porte le même nom et qui raconte effectivement cette tradition, cette transmission orale et cette rencontre avec le griot Mayoro Samb, percussionniste de son état et transmetteur d'une famille incroyable de griots. Donc voilà, ça a été une belle aventure, ça, Girafrique. D'accord. Ensuite, donc, du coup, donc, dans toute ta carrière jusqu'à présent, est-ce que tu te souviens de ta toute première scène, de la toute première fois que tu as joué sur scène? Ah bah oui, c'est très facile. Ma première scène, c'était à Bercy avec Mathieu Chédid, justement. D'accord. En fait, il m'a choisi. Il choisissait chaque soir sur sa tournée Qui de nous deux. Il choisissait chaque soir un musicien au hasard dans la salle qui allait chanter un gimmick, parce qu'il avait un morceau qui s'appelait Tapin un gimmick mec. Et donc ce soir-là, j'ai levé la main, j'ai été choisi pour chanter au Mon Ami, et ça a particulièrement bien fonctionné ce jour-là. Pourtant, j'avais jamais chanté dans un micro, et je me suis lancé vraiment comme ça, avec la foi, et du coup ça a vraiment payé, et c'est suite à ça que justement je suis resté en contact avec Mathieu Chédid et qui m'a offert l'opportunité d'un duo. D'accord. Ensuite, il me semble, toujours dans ta carrière, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, que tu as eu l'occasion de faire la première partie du chanteur Peps, célèbre notamment pour son titre Liberta. Ouais, absolument. Bah, du coup, Peps, c'est une longue histoire d'amitié qui a commencé par une rencontre au hasard à la sortie d'un magasin de guitare. Et je l'avais entendu sur scène peu de temps avant. Et du coup, ça a été vraiment une... Ouais, la rencontre d'un frère, quoi. C'est vraiment, on n'a pas la même mère, mais on est frères. C'est vraiment avec Flo, ça a été ça. Et du coup, on a passé une paire d'heures et une paire d'années ensemble. Et il a fait ses premiers pas sur Paris bien avant que son titre Liberta fasse un succès. En fait, il a fait ses premiers titres ses premiers concerts à Paris. Du coup, avec Giraffe en première partie, c'était un honneur partagé, parce que lui, il essayait de percer. Moi, du coup, j'étais ravi de faire ses premières parties. Et après, du coup, ça s'est prolongé. Il m'a emmené faire des premières parties aussi chez lui, à Villeurbanne, à Grenoble et tout ça. Et c'est une longue histoire. Il a participé aussi au mix de l'album Girafrique. Et ça a été c'est vraiment quelqu'un qui a une place importante dans mon cœur, Peps. D'accord. Et également, tu as déjà eu l'occasion de performer aux côtés du célèbre compositeur John Legend, de la chanteuse Ayo, et même aux côtés de la chanteuse Swad Massi. Oui, alors ça c'est le chapitre people. C'était là, c'est comme j'ai fait énormément de busking, c'est-à-dire le fait de jouer dans la rue. Mm-hmm. Il y a eu une fois où on est venu me chercher, effectivement, on m'a dit voilà, on est en train de créer le Paris Busking Orchestra. C'est quelque chose, voilà, c'est un espèce d'orchestre éphémère avec des musiciens de rue qu'on croise et tout. Donc moi j'étais là en homme orchestre avec un tama, avec une petite percussion sous le bras, et du coup j'ai accompagné avec 10 autres musiciens, on a accompagné John Legend et Ayo au Théâtre du Châtelet à Paris. C'était vraiment une très belle aventure. D'accord. Ensuite, nous allons parler un petit peu de tes gros projets. Donc en amont de cette émission, tu m'as gentiment envoyé deux dossiers de presse te concernant. Donc nous allons en parler, en commençant d'abord par ta grosse création de 2019, le premier projet avec ta compagnie, car tu as une compagnie qui s'appelle Les Trois Trésors. Absolument. Donc ce premier projet s'appelle Kidsistan. Donc, qu'est-ce que ce projet? De quoi parle ce projet? Vas-y, développe un petit peu ce qu'est Kidsistan. Ouais, le Kidsistan, c'est un projet qui s'est fait avec des partenaires vosgiens, c'est-à-dire avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié, avec la Souris Verte à Épinal. Et ça a été c'est un projet de spectacle à destination des enfants. Un spectacle pluridisciplinaire où, en fait, c'est parce que par le fait de faire de la rue, j'ai vraiment rencontré beaucoup d'artistes de toutes disciplines. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un spectacle qui pouvait lier plusieurs disciplines. C'est aussi l'ADN de la compagnie des Trois Trésors. C'est de créer et de diffuser des spectacles pluridisciplinaires qui mélangent les arts. Et dans le Kidsistan, c'est un mélange de musique et de mapping, qui est de la projection vidéo. C'est de la projection vidéo sur un dôme géodésique. C'est comme une espèce de globe. Et donc c'est un projet sur lequel on a travaillé en 2019, donc du coup avec ces partenaires-là. Et c'est un projet qui a pris un petit coup de ralenti avec la pause Covid, et du coup qui est en train de repartir. Là, on est en train de le travailler en trio avec Vincent Guillou et avec Damien Schmutz. Et donc voilà, on va le jouer en trio à partir de 2022 et même fin 2021. Et ça, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur avec des animaux qui représentent un peu le parcours créatif d'un artiste et le parcours aussi un peu constitutif d'un artiste. C'est un peu comme une constitution artistique. C'est un peu comment j'ai voulu dans ce spectacle-là mettre des niveaux de lecture avec les différentes facettes d'un artiste, en commençant par effectivement sa capacité à s'inspirer, mais aussi à composer, à travailler sa technique, à monter sur scène. Et puis du coup, il y a 8 ou 9 facettes comme ça chez l'artiste qui sont chacune représentées par un animal. Donc ça, ça a été un bon délire de faire ça, de faire une genre de carte de l'artiste ou un schéma de composition aussi, parce qu'on pourrait aussi l'utiliser pour aussi bien pour une écriture de chanson que pour une composition de spectacle. Ou pour composer une journée, un emploi du temps. Enfin, c'est voilà, je me suis amusé à faire ça. Ça a été bien rigolo. On s'est bien marré. Et je suis assez fier du spectacle. Le rendu est vraiment bien, avec un travail de mapping incroyable de Vincent Guillou. Et donc justement, comment tu as décerné du coup ces 9 qualités ou 9 animaux correspondants? Déjà, on va en citer un, la performance. Donc c'est l'animal, la girafe. Donc c'est toi. Ouais. Et les autres performances, je vais dire non. Les autres qualités, les autres animaux, c'est à découvrir en allant voir le spectacle. Ouais. Justement, comment tu vas décerner telle qualité à tel animal? Ça a été très intuitif. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur des connaissances, sur des choses écrites depuis assez longtemps, notamment liées à la médecine chinoise. Et la façon de voir l'humain d'après les traditions taoïstes. Et donc, du coup, j'ai pas mal étudié ça. Et en fait, en digérant un peu tout ça, j'ai voulu vraiment le traduire de manière simple et accessible. Parce que c'est des outils quand même assez exceptionnels. Hein. Ce que je te dis, ça va dans le sens de ce dont on parlait au début par rapport à l'oralité, par rapport à la transmission. Qui pour moi est essentiel, et ce qui est essentiel pour moi, c'est de pouvoir offrir et de pouvoir proposer des spectacles qui sont pas que de la musique, mais qui est vraiment qui est derrière. Pour moi, c'est vital qu'il y ait une intention, une noblesse d'intention liée à la transmission. Et en fait, pouvoir partager ces genres de grilles de lecture, ces genres d'outils, ça fait un peu comme une chasse au trésor hyper intéressante, où en fait il va y avoir une grille de lecture pour l'enfant, une grille de lecture pour l'adulte, et il va y avoir aussi une autre grille de lecture pour quelqu'un d'un peu plus initié. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces trois grilles de lecture sont complètement différentes. Et il y a souvent d'ailleurs les enfants qui comprennent des fois plus de choses que les adultes. Et c'est, des fois, c'est assez incroyable. Et voilà, c'est cette espèce de processus d'écriture autour des schémas, des niveaux de lecture, un peu comme Le Petit Prince, par exemple, qui est un des grands modèles à ce niveau-là. Donc c'est un peu comme ça que j'ai procédé, vraiment en pensant niveau de lecture, et puis une fois que j'avais intégré tout ce savoir-là, c'était vraiment l'idée de laisser marcher l'intuition en sortant des animaux un peu comme ça. L'hippopotame, par exemple, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça de manière très spontanée. Pourquoi c'est un hippopotame, je serais incapable de te le dire. D'accord. Ensuite, le deuxième gros projet, donc c'est pour cette année, il me semble, c'est avec ta compagnie Les Trois Trésors. C'est un projet appelé Concert, mais le mot, enfin, cerf que tu écris, enfin, concert que tu écris, C-O-N-S-E-R-R-E. Donc, comme une serre de jardin, par exemple. Donc, pareil, quel est le principe de ce gros projet de concert ? Bah du coup, Concert, c'est effectivement un projet qui nous tient énormément à cœur avec la compagnie Les Trois Trésors. C'est de pouvoir recréer une forme de permaculture, de processus de... Comment dire ? Un processus de refaire pousser la culture, mais vraiment la culture dans le sens l'art, quoi. C'est-à-dire à un moment où on sort d'une crise, où il y a eu beaucoup de questionnements autour de la culture, essentielle, non essentielle, tout ça. L'idée c'est vraiment d'arriver avec une vision vraiment axée autour de la permaculture, c'est-à-dire de se dire on pose un outil qui est une serre, comme une serre horticole ou agricole, et en fait dessous on va y faire pousser ce qu'on peut y faire pousser. En lien avec l'environnement, en lien avec les envies, les besoins, et du coup faire vivre un objet qui soit un mélange entre une salle de spectacle itinérante, un lieu d'action culturelle, mais aussi un tiers-lieu, quelque chose qui puisse être un peu entre tout ça, voilà, un peu à l'image de l'homme orchestre qui prend un petit peu dans tous les instruments, en trouvant un liant qui est le rythme. Et ben en fait la concert elle va un peu rencontrer un peu tout le monde, tout un territoire, en essayant d'y créer quelque chose d'unique grâce au liant qui est la musique, la percussion, les circle songs, c'est-à-dire le fait de faire des chansons avec nos voix de manière la plus simple et la plus artisanale possible, la voix, la percussion corporelle, la beatbox aussi, enfin faire des sons avec sa bouche et tout ça. C'est voilà, l'idée c'est de revenir un peu à la simplicité et de voir ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc c'est un outil qu'on commence à expérimenter à Strasbourg depuis peu de temps. Et l'idée à partir de 2022, c'est d'aller l'expérimenter sur des territoires vosgiens. Ah, des territoires ruraux. On restera à l'affût. Donc il est 14h55. Avant de conclure cette émission, je te propose, car je vois que tu as ton ukulélé, je te propose que tu nous interprètes un petit morceau en live. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en dis ? Ah oui, avec plaisir, Chris. On va se quitter sur une chanson de marin. Allez. Alors, chers auditeurs, il est temps de se balancer d'un côté et de l'autre, tels des marins sur une vague magique, quelque part entre le Pacifique et l'Atlantique. Et alors, comme on est des marins et qu'on est sur une vague et qu'on valse d'un côté et de l'autre, eh bien, on va faire une petite chanson de marin qui fait... Allez, encore une fois, chante avec nous. Oublie pas de te balancer. Chantons-nous des chansons pour la prochaine émission, ou arpentons-nous des chemins pour des générations. Faisons-nous des détours pour apprendre toujours. Voyons-nous tout petits, juste des raccourcis. Cherchons-nous l'absolu ou bien le superflu, juste la bagatelle ou bien l'universel. Cupons-nous de nos oignons, cultivons l'opinion qu'à l'endroit où l'on est, c'est la félicité. Donner un sens à sa vie, prendre sa place dans le monde. Donner un sens à sa vie, prendre sa place dans le monde. Donner un sens à sa vie, sens à sa vie, sens à sa vie dans le monde. Hé la la la, hé la la la, hé la la la, hé la la, ho. Hé la la la, hé la la la, hé la la la, hé la la, ho. La la la, he la la la, he la la la, he la la, ho. He la la la, he la la, hey, ho. Yes. Eh ben super. Donc déjà merci pour ce petit titre en live, ça fait plaisir. Plaisir partagé, mon cher Chris. Merci pour ce petit moment ensemble. Avec plaisir. Donc voilà, on arrive déjà bientôt à la fin de cette émission. Rapidement, si on veut te retrouver, comment on peut s'y prendre ? Alors, c'est assez facile. On a Internet. Il suffit d'aller chercher Giraffe, G-Y-R-A-F, sur Internet. Il y a un .com, il y a un Facebook, il y a un Instagram, il y a plein de choses. Et du coup, c'est une bonne manière de me retrouver. Après, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en vrai. Bien sûr. Sur le terrain. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est donc ainsi que se termine déjà cette édition de Fréquence Libre. D'ailleurs, je mettrai tous les liens pour te retrouver en podcast de cette émission demain dans la journée. Donc je te remercie une nouvelle fois, Giraffe, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Donc vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook, toujours Radio Gamozo, ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec la rediffusion d'un autre programme proposé par Radio Gamozo, intitulé Memento Mori, d'ici quelques secondes à 15h. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai, toujours dans nos locaux, Stéphane Brognard, sportif de haut niveau. Donc merci de votre fidélité à Radio Gamozo, et du coup je vous dis à demain. Donc salut, et à demain.